enfant près du sien. Bébé, ou là où il est, simplement te regarder. J'ai beau chercher, mais je reviens. Comment l'expliquer? Je me sens bien quand je te vois et juste parler. Je ne pourrais que succomber. Et tout partager, et dans la